Bonsoir à tous et bienvenue à cet épisode de l'Aérospatial, l'hebdomadaire d'actualité artistique, produite et diffusée sur les ondes de CKRL 89.1. Mon nom est Christelle Tremblay et je suis en studio ce soir sur le territoire non cédé du Nyon-Wendisio, aussi appelé Québec, avec Mathilde Harvey-Morin à la console. Mathilde, ce soir, on a une émission très spéciale, c'est-à-dire qu'on ne traite que d'un seul sujet, mais qui est un sujet tellement vaste, tellement riche, tellement intéressant et complexe, qu'on se donne toute l'émission pour l'aborder, et puis on a aussi un très gros agenda de la semaine. Donc on va avoir beaucoup de plugs à faire pour des activités qui viennent cette semaine à Québec, puisqu'il y a tout un renouvellement, c'est la fin de la Biennale de Manif d'art, et les centres d'artistes commencent à renouveler les expositions, donc on va faire un beau calendrier, une belle agenda. Mais on commence l'émission avec Renaud, Philippe, Carole Mira, et Véronique Isabelle, qui vont nous parler du combat des Autochtones Guarani pour récupérer leurs terres agricoles au Brésil. C'est à l'occasion du vernissage demain, le 1er mai, de l'exposition Retomada da Terra. Donc on retour de la pause avec les trois invités pour parler de ce sujet-là. Rebienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, Christelle Tremblay au micro. On écoutait Soon All Cities, qui est une piste de l'album 27 Passports d'un band qui s'appelle The X, un band d'Amsterdam qui existe depuis 1979 et qui s'amuse encore à mélanger son style musical avec toutes sortes de collaborateurs. Ils sont allés travailler avec des gens d'Éthiopie, d'Amazonie, ils n'ont aucune limite à leur collaboration musicale. Ça a été un choix fait par Simon Roy, notre fidèle mélomane ici à CKRL. On commence l'émission de ce soir avec tout un sujet. Il s'agit d'une exposition qui aura lieu à partir de demain à la Maison des Jésuites de Sillery, donc un peu plus loin qu'on est habitué d'aller dans Sainte-Foy pour voir des expos, mais qui est quand même une très belle maison de la culture, où se tiendra une grande exposition qui s'intitule « Retomada da Terra » du photographe Renaud Philippe, mais qui est en fait une expo qui est plus large qu'une expo photographie. C'est une expo qui témoigne et accompagne une lutte qui a lieu et qui est en cours au Brésil. Et j'ai ici en studio Véronique Isabelle, qui a travaillé, collaboré comme commissaire. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Renaud Philippe, l'auteur des photographies. Bonsoir. Bonsoir Renaud. Et Carole Mira, qui accompagne le projet comme anthropologue, n'est-ce pas? Oui, bonsoir. Bonsoir Carole. Je suis très heureuse que vous soyez les trois présents ici ce soir pour nous partager ce long projet. Donc, ce que je comprends, c'est que ça fait plusieurs années que vous avez fait des allers-retours entre ici et le centre-sud du Brésil pour rencontrer le peuple Guarani dans les lieux où se font cette lutte-là de reprise de terre. Est-ce que je me trompe? Non, c'est résumé, c'est, on peut dire ça. Ça fait quoi, à peu près 2 ans et demi qu'avec Carole, on fait ces allers-retours au Brésil pour accompagner ce mouvement qui est en cours, dont on va discuter un petit peu. Oui. Carole travaille avec les Guarani, elle fait sa maîtrise avec une communauté Guarani, puis... En discutant, en 2020, on voulait déjà commencer un projet pour témoigner un peu d'une situation qui nous semblait assez occultée dans les médias et en même temps hyper importante à dénoncer. Tu sais. Puis finalement, en pandémie, tout ça, ça nous a amené à janvier 2022, on a fait notre premier séjour sur le terrain. Puis depuis, ben, ça fait je ne sais plus combien de séjours, 5-6, vraiment dédiés au projet. Et c'est un projet toujours en cours, mais qui était mûr pour une première présentation publique. Fait que c'est vraiment un travail collaboratif avec Carole sur le terrain. Tu sais, ça, comme photographe, on est rien seul. Tu sais, puis ça prend toujours un partenariat. Puis en plus, ben, on est un couple en fait. Fait qu'on travaille ensemble comme un couple aussi. Fait que c'est un engagement ce projet. Puis Véro est arrivé. Il y a longtemps qu'on en discute, mais quand l'expo s'est confirmé, il n'y avait rien de plus naturel que de travailler avec Véronique pour tout le côté commissariat, de son expérience avec le Brésil, avec les communautés autochtones au Brésil aussi, dont des Guarani là, dans une autre région, mais et sa sensibilité d'artiste. Donc Voilà, j'ai essayé de résumer aussi. Mais c'est très bien joué. Mais maintenant, il faut comprendre un peu qu'est-ce que Rétomada, en fait, le titre de l'expo, cette lutte-là, en fait, qui est l'objet, j'imagine, de ton travail de maîtrise ou d'accompagner dans la compréhension, peut-être, d'un point de vue extérieur ici en Occident, de bien comprendre quelle est la posture des Guarani dans cette lutte-là. Mon travail de maîtrise, ma recherche, c'était sur l'auto-représentation. J'ai donné des cours de cinéma à les Guarani dans une retomada, que ça veut dire que c'est un territoire qui n'est pas légalisé par le gouvernement. Et pour voir dans ce contexte, qu'est-ce comment ils utilisent la vidéo, c'était ça. Mais après, j'ai pris notion de la dimension de la retomada et tout ce qui se passe, toute la violence, la violation des droits et tout ça. Et j'ai continué à travailler et quand j'ai connu Renaud, on parlait beaucoup, on discutait beaucoup et on a décidé de faire ce projet ensemble. Moi, je fais la recherche, je parle avec les gens et tout ça. C'est un petit peu ça. C'est très riche, le point de l'auto-représentation, parce que c'est au cœur, j'imagine, de l'approche photographique qui te guide, d'essayer de faire une image qui est la plus proche de la réalité ou de leur perspective et qui est peut-être pas dans la perspective qui est représentée dans les médias de masse ou par les instances gouvernementales. Je parle de la photographie, c'est toujours quelque chose de très personnel. Ce serait de mentir d'essayer de dire que j'essaie de représenter ce que eux perçoivent ou ce que d'autres personnes perçoivent. Tu sais, c'est mon œil est dirigé vers quelque chose pour une raison. Après, il y a une volonté claire depuis le début de ce projet, tu sais, de prendre un bon pas de côté du milieu de production médiatique, tu sais, avec qui ça fait une vingtaine d'années que je suis surtout dans le milieu médiatique, toujours avec une volonté de travailler sur le long terme. Tu sais, mais c'est un peu difficile dans cet univers médiatique qui va assez vite. Puis ce projet, il se décline dans le temps. Donc, je veux dire, l'honnêteté, je pense, en photojournalisme, c'est le temps. Puis tu sais, quand on passe du temps, on dépasse les préjugés, on passe par-dessus le premier regard, tu sais, aller dans un camp de réfugiés ici ou là, on arrive, forcément, il y a un choc, tu sais, mais après quelques jours, on voit les sourires, on voit les familles, on voit le beau, puis avec ce projet est conçu comme ça, tu sais, donc il se développe en partenariat avec des leaders Guarani, tu sais, chaque lieu, chaque retomada, il faudrait qu'on explique c'est quoi un retomada en fait aussi là. Mais chaque lieu où on va, il y a des leaders. Chaque leader, on s'assoit, il y a des discussions. Puis après ça, c'est des gens des communautés qui nous amènent vers d'autres communautés. Tu sais, ça s'est construit un peu un peu tout seul en fait. On erre dans un univers avec une volonté d'essayer de mieux comprendre. Puis c'est comme ça que ça s'est construit. Mais je pense que oui, Retomada, qu'est-ce que c'est? Hein? Je vous écoute. Qu'est-ce que c'est? Chacun se passe la balle. Non, mais je peux continuer. Je veux juste pas m'accaparer le micro, là. Mais peut-être rapidement, on travaille dans une région qui est le territoire traditionnel des Guarani depuis toujours. C'est la région qui, traditionnellement, est le territoire de la forêt atlantique. Dans les 50 dernières années, il y a à peu près 50 ans, tout a été rasé. Il reste aujourd'hui environ 10% de la forêt originale. Le territoire appartenant aux Guarani a été récupéré pour une agriculture intensive dédiée au maïs, eucalyptus, soja, de l'élevage bovin également. Donc, les Guarani ont perdu leur terre, mais c'est un processus qui avait débuté avec les Jésuites il y a 500 ans à peu près, là, mais qui s'est continué de façon très sauvage là, dans le dernier siècle. Et il y a une quinzaine d'années à peu près, depuis une quinzaine d'années, il y a il y a une volonté de reprendre les terres qui ont été volées par petites parcelles de terrain qu'on appelle les retomada. C'est des Guarani qui, en pleine nuit, prennent d'assaut, c'est pas vraiment ça, mais occupent un territoire agricole et revendiquent leurs droits sur ces terres. Et ce geste, qui, quand il est réussi, il amène une biodiversité complètement incroyable dans des zones qui sont totalement détruites, sur des la perte de vue. Là. Ben, ce geste les met dans une situation où il y a un conflit ouvert qui s'installe, qui existe depuis longtemps avec... avec les fermiers, avec des milices engagées par les fermiers, avec les forces de sécurité locales, police, etc. Donc, c'est un acte qui se fait souvent au péril de sa vie, mais qui répond à un besoin fort là, du peuple Guarani dans les deux régions où on travaille, Mato Grosso do Sul et Paraná, au Brésil. Et ces retomadas-là que vous avez visités, j'ai vu dans le dossier qu'il y en a 24 que vous avez visités, ils sont tous maintenus, en fait, habités, occupés, malgré la violence ou l'oppression. Donc, est-ce qu'il doit avoir des reculs, mais j'imagine que, grosso modo, ils réussissent à maintenir ces retomadas-là occupés et... potentiellement le désir et la force de continuer. Est-ce que votre présence a aidé le mouvement? Je pense que d'une façon, à long terme, un petit peu, parce que c'est comme on lutte contre l'invisibilité aussi. Oui. Parce que les Guarani, ils parlent d'un génocide, parce que beaucoup de gens... décédé dans ces processus de retomade, assassiné. Alors, quand on prenne, comme c'est dit, on apporte ces paroles plus loin et parle de ça, c'est une façon d'aider aussi. Oui, en aide humanitaire, le témoignage, porter les témoignages, c'est une des façons de s'assurer que certaines autorités nationales vont avoir plus de gêne à continuer à perpétrer des actes violents ou de génocide. J'ai lu dans votre dossier que la secrétaire générale de l'ONU adjointe avait été visitée, puis c'est elle qui est responsable des génocides. Donc, c'est sur le radar international les luttes de ce pays-là. La présence, en fait, d'artistes et de recherche, de chercheurs, d'artistes, de photojournalistes internationaux ne peut que donner de l'eau au moulin à des gens qui veulent supporter leur cause. Effectivement. Est-ce qu'au Canada, il y a un suivi? Est-ce que vous avez une couverture de presse intéressante avec votre présence? S'il y a de la publication? Ouais. En fait, on le voit avec l'offre de la ville. Là, je veux dire, il y a une ouverture à partager ce travail-là, clairement. Après, c'est un projet en cours aussi. Hein, c'est une première présentation publique. Il y a une volonté de se détacher un petit peu de la rapidité des médias. Je pense que, en vérité, publier dans un médium une journée, le lendemain, ça n'existe plus. Ça ne changera pas grand-chose là, en étant réaliste. Là, je pense qu'il faut prendre le temps, on prend le temps. C'est un conflit qui dure depuis longtemps. Puis, par contre, c'est sûr que... Comment dire? L'objectif, c'est de témoigner de cette réalité et de le faire au bout de ce qu'on est capable de faire. Puis ça, on n'est pas prêt de s'arrêter. Là. Donc là, c'est un premier geste en le montrant, mais il y a déjà des séjours prévus au Brésil. Il y a d'autres activités prévues, puis il y a une diffusion, des discussions avec des journalistes aussi ici et là, une diffusion beaucoup plus large prévue, mais ça, c'est un projet qui prend du temps. Il y a une confiance à installer partout où on va, il y a tout ça, donc ouais. Je rajouterais, c'est clair que c'est, sans vouloir mettre l'accent là-dessus, mais je pense que c'est quand même un fait qui est arrivé qui permet de gagner une visibilité médiatique aussi, puisque lors de votre dernier séjour, il s'est passé... un événement fâcheux qui était... Vous êtes fait arrêter en pleine route par une trentaine d'hommes cagoulés qui vous ont menacé, frappé. Oui, ça aide à gagner en visibilité. Exact. Dans l'univers des médias, quand il y a un Nord-Américain qui se fait tabasser là, dans un coin perdu du Brésil, puis c'est sûr que le travail qu'on fait, journaliste, dans ces coins-là, ça dérange. Puis oui, effectivement, la dernière fois, on s'est fait un peu prendre à partie, on minimise toujours un peu la façon de le dire, mais on a dû arrêter notre travail, en fait, on s'est fait bloquer, tabasser, voler l'ensemble du matériel. Donc c'est sûr que ça devient un peu plus personnel, tu sais, mais ce qu'on a vécu, c'est je veux dire, une fraction microscopique de ce que vivent les Guaraniens au quotidien depuis des générations. Tu sais, de ce avec quoi ils grandissent. On est dans une région où on est dans le fief un peu de la mouvance d'extrême droite de Bolsonaro. Tu sais, on est dans une région rurale, l'extrême droite de la politique brésilienne. Quand on s'est fait agresser, d'abord, les gens qui nous ont agressés ont été prévenus de notre présence par la police des frontières de l'État. Et lorsque l'agression a eu lieu, quand j'ai réussi à me relever, j'ai vu Carole qui était en train d'appeler au secours une voiture qui était à 10 mètres de la police militaire de l'État. Je les ai vus détourner le regard et partir. Donc, il y a une impunité totale. Forcément, les médias, c'est difficile de travailler dans ces conditions. Forcément, tu sais, il y a tout un système autour là, qui soutient cette mentalité qui perdure dans cette région. Puis, oui. Une chose importante de dire, quand on parle fermier, c'est pas comme les petits fermiers, mm-hmm. c'est comme l'agrobusiness, c'est les purs et sauvages capitalistes quand... C'est des kilomètres, kilomètres de terre, de soya. C'est pas un fermier. Il a tout un système de milices qui c'est avec des hommes armés, sécurité privée et aussi la police. C'est ça aussi que c'est important de parler parce que quand on parle ici de fermiers, il y a des gens qui sont, mais les fermiers vont pas être ces territoires, non. Non, il c'est s'agit de monopoles industriels qui sont soutenus directement par l'État. Syndicats ruraux, politiciens, maires de pas pire grandes villes de l'État. On sait qui nous a attaqués, tu sais, puis certaines personnes ont des fonctions officielles très importantes. C'est assez incroyable. Donc, ouais. Continuer après ça. Ben, c'est-à-dire que vous vivez la pratique du photojournalisme qui est souvent utilisée dans les médias pour rendre héroïque la posture du photojournaliste, se mettre à risque. Par contre, dans le travail d'exposition que vous préparez, je ne vois pas ça du tout dans cet angle-là. C'est pas ça que vous voulez mettre de l'avant. C'est-à-dire que ce n'est pas votre mise en scène au sein de cette lutte-là. Au contraire, non. Vous n'êtes pas dans l'image. Oui. Non, je pense que côté héroïque du photojournalisme, non. Je pense que la grande majorité des photojournalistes, surtout indépendants, parce qu'il faut vraiment le vouloir, c'est pas de l'héroïsme, c'est une réelle volonté de comprendre le monde, tu sais, ou de partager le monde sous un angle quelconque. Puis, j'ai oublié le reste. C'est-à-dire que l'expo ne tourne pas autour de ça, puis non, les images non, non plus. Jamais, ce que j'ai eu l'occasion de voir, c'est pas de vous, de votre posture, de votre On curiosité. L'a mentionné ici, parce que c'est vrai que ça fait partie de l'histoire, mais il n'est pas question de faire une histoire autour de ça. Nous, c'est pas notre histoire. Nous, on partage l'histoire qu'on nous confie, qu'on nous transmet. La place du photojournaliste, peut-être, Véro, là, tu sais, de monter une expo qui est centrée autour d'une démarche photojournalistique, c'est moins souvent le cas là, dans notre travail artistique ou dans notre milieu artistique. Est-ce que ça replace les affaires dans un autre cadre, dans une autre lunette? Est-ce que tu as apprécié travailler comme ça? Beaucoup. Ben, en fait, parce que justement, le projet me touche beaucoup. Le travail, l'engagement, la façon de voir. Puis moi, je viens de l'anthropologie aussi. Fait que, tu sais, c'était un très beau dialogue, en fait, qu'on a développé ensemble. Moi, je suis hyper reconnaissante de cette collaboration-là, puis des échanges, que tout a été conversé, repensé ensemble, discuté ensemble. Puis de quelle façon on est capable de partager dans un espace qui est aussi très contraignant, il faut le nommer, là. C'est petit, c'est qu'on parte... C'est des petites pièces, en fait. Des petites pièces aussi, puis comment qu'on est capable de rendre le récit de ça, puis faire en sorte que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler, ce qui va être le cas de la plupart des gens, de ce conflit, de cette réalité-là, puis même de l'existence du peuple Guarani, rentre et puis est capable de comprendre les bases de ce conflit-là, puis de construire un récit à partir de ça. Alors, c'était ça le grand défi, mais on l'a vraiment réfléchi à ensemble, questionner ensemble, monter ensemble. Et puis, je pense que c'est une première mouture dans cet espace-là. Mais c'est un projet, justement, qui est extrêmement poignant, touchant. Puis je trouve que ça... Oui, ça faisait du bien, en fait, de sortir de... Ce qui prime, c'est raconter cette histoire. Mm. Le regardeur qui visite l'expo, votre intention, ce serait quoi? Votre soi idéal, avec quoi la personne ressort? Je pense que la prise de conscience, que ça se passe et ça se passe partout. Ce n'est pas seulement avec les Guaranis, c'est une histoire qui se répète partout. Mm. Mais principalement qui ont vécu ça, ces jours-là, dans 7 siècles, c'est pas normal. Hein. Ça doit pas être normalisé comme est. Une indignation. Une indignation, puis surtout, je pense qu'on pourra en parler après une pause. Oui, oui, oui. Mais je pense surtout que le Canada est pas les mains blanches, tu sais. Je sais pas si ça se dit, cette expression, les mains propres, les mains... Mais on t'a compris, Renaud. Mains, en tout cas, pas les, oui. les mains propres. Tu sais, je veux dire, le Canada pourrait avoir clairement un impact. C'est des milliards de dollars qui s'échangent avec ces deux États-là, chaque année. Fait qu'il y a une forme de complicité. Ben oui, puis en même temps, on peut pas en vouloir aux gens de pas être conscients de la réalité, mais... Indirectement, oui. OK. On va en pause musicale avec une piste de The X, 27 Passports, et puis quelques pauses publicitaires aussi. Au retour de la pause, on poursuit un petit peu avec Renaud Philippe, Véronique Isabelle et Carole Mira. Bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, ici Christelle Tremblay au micro, dans les studios de CKRL 89.1, dans Limoilou, sur la 3e avenue. Et je suis en bonne compagnie ce soir à l'émission. Trois invités avec moi, Carole Mira, Renaud Philippe et Véronique Isabelle, autour de l'exposition Retomada da Terra, qui va être vernie demain soir, mercredi, le 1er mai, à la Maison des Jésuites de Sainte-Foy. Sillery. Oh, je m'excuse, ça fait deux fois que je dis Sainte-Foy. Donc, c'est dans Sillery, c'est loin, mais ça va valoir la peine d'y aller. C'est possible de se rendre en autobus, mais sinon, appelez-vous, prenez des lifts, allez-y. L'expo est là jusqu'au mois de novembre, donc on a beaucoup de temps pour aller la visiter. Et ce soir, en fait, Renaud Philippe, Carole Mira et Véro et Véronique Isabelle avaient commencé à nous expliquer, en fait, que d'être Canadien et d'être en relation avec cette longue lutte-là, c'est aussi un regard particulier qu'on a, celui de notre identité nationale, de notre relation à nos gouvernements. Et c'est important de mettre ça aussi en lumière. Donc, nous, en tant que Québécois et Canadiens, quand on regarde à travers tes photos, Renaud, on doit aussi prendre conscience de la relation de notre pays à ce qui se passe au Sud. Est-ce que tu veux nous en dire tout plus? Tout est relié. Tu sais. Au début du projet, disons, la première année où je le présentais davantage à des éditeurs dans le milieu journalistique et autres, j'entendais souvent, mais on aimerait ça voir l'autre côté. Puis j'avais toujours un espèce de malaise. Là. C'est pas une dualité aussi simple, les gentils, les méchants. Tu sais, objectivité journalistique. Il faut présenter deux points de vue pour ouais, être c'est certain ça. De mais bien... En fait, c'est quoi l'autre côté? L'autre côté, c'est c'est le capitalisme, c'est la société de consommation, ouais. C'est le besoin de produire autant de maïs pour faire de l'éthanol, pour faire rouler des voitures, c'est le besoin, tu sais, de produire autant de viande sur des terres fertiles. C'est ça, l'autre côté, c'est toi, c'est moi, c'est toi qui écoute. Tu sais, c'est nous, l'autre côté. Puis c'est notre mode de vie. Quand on pousse la réflexion, c'est ça. C'est notre mode de vie qui engendre, tu sais, ce besoin des grosses corporations, tu sais, puis on accepte ça. Puis moi, quand je vois que c'est ça, qu'il y a des échanges qui atteignent pas loin de 16 milliards de dollars, donc une grande majorité de ces échanges sont destinés à des produits agricoles, engrais chimiques et autres, que le Canada vend au Brésil. Et le Québec est pas en reste, là, avec quelques 3 milliards par année. Et dans des journaux de Mato Grosso do Sul, récemment, on parlait justement à quel point le Canada était intéressé, envoyer des représentants à Campo Grande, une grande foire agricole, chose qui a été confirmée après avec des discussions que j'ai eues avec du personnel canadien, en tout cas. Fait qu'il y a quelque chose qui... Cette exposition, c'est ça. C'est de... Oui, il y a un conflit. On parle d'un sujet bien pointu, mais il y a lieu dans un contexte, ce sujet-là. Puis le contexte, il n'est pas indépendant de nous. Non, absolument pas. Puis pas indépendant non plus des autres luttes qui se passent comme gardien du territoire ici au Canada, dont on n'arrive jamais en tant que média ou en tant que population blanche issue de la colonisation à vraiment embrasser tous ces gardiens de la terre qui mènent des luttes pour l'eau, pour des territoires, pour on n'arrive pas non plus à vraiment bien s'approprier ces luttes-là et les faire nôtres. Puis je pense que ça demande un rapport à la terre qui doit se transformer complètement. Puis c'est pour ça que les cosmologies ou le rapport qui considère, qui est capable de considérer vraiment la terre comme une mère, ben ça devient, c'est, ça impose une autre vision de monde complètement, parce que tu n'iras pas agresser, violer, tu sais, violenter, exploiter à l'extrême. Puis quand elle pue rien, mais tu lui jettes des avions plein de fertilisants puis de pesticides pour encore aller extraire quelque chose de ça je pense que c'est ce pas-là de recul que permet d'entrevoir l'exposition. C'est OK, quel est mon rapport à la terre? Comment je suis en relation? Comment je marche? Comment je prends soin? Puis je pense que comme tout le vocabulaire qui entoure aussi cette relation-là. T'sais, elle est dans la langue guarani, puis quand ils disent... parce que les témoignages qui sont aussi dans l'exposition, ils parlent de notre façon de vivre, le tekoa, qui est comme la terre, mais qui est une notion beaucoup plus large, que c'est le mode d'être et de vivre guarani, qui est intrinsèque à cette vision-là. Fait que pour la pratiquer, pour maintenir la langue, il faut maintenir cette relation-là à la terre. Fait que si t'en es exproprié, tassé, mis dans des villes, tu peux pas exprimer ton essence. Alors quand on retourne à la terre, dans ce territoire-là qui est devenu un champ, mais que t'as encore la mémoire de la forêt qui était là, puis que t'as tous tes ancêtres qui y sont, puis que tu reconnectes à ça, mais ensuite ceux qui vont t'arracher, ils vont le faire au prix de ta vie parce que tu t'en sortiras pas. C'est trop viscéral. Puis je trouve que ça, c'est tellement touchant. Plus que touchant, c'est bouleversant de voir qu'on a pu s'écarter tant de ça pour avoir cette vision-là de domination, puis de recherche de contrôle, puis de se couper complètement de cette relation-là. Puis je pense que c'est la grande crise qu'on vit actuellement, c'est une crise identitaire à ce niveau-là. C'est un besoin de changer drastiquement ce rapport, puis de se reconnecter à cette mémoire-là, parce que elle existe dans la terre. Puis je pense que quand il y a une retomada, c'est quand il y a ce geste, il se prend bien sûr avec le corps, mais une fois que le corps est en connexion avec la terre, ça devient comme une voix de la terre qui s'exprime à travers ça, puis ce qui permet de résister dans des conditions complètement inhumaines dans notre vision des choses, c'est parce que tu as un rapport qui est spirituel aussi. Puis c'est le chant, c'est la danse, c'est le spirituel qui te permet de résister, parce que tu veux que tes enfants, puis pas juste tes enfants, tes petits-enfants, puis leurs petits-enfants à nouveau, vont pouvoir continuer d'être qui ils sont. Fait que, tu sais, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est précieux de le partager dans cet espace-là aussi. Puis je pense que c'est important de le nommer. Tu sais, c'est la Maison des Jésuites. Alors, c'est une institution qui est peut-être le début de la colonisation ici. Puis on appelait aussi la première réduction d'Amérique du Nord. C'était le terme qui s'utilisait à l'époque. Puis les réductions dans le sud du Brésil, justement, dans la région des trois frontières. Les réductions, Véro, tu veux dire génocide, massacre... Réduction, c'était le terme qui est devenu réserve par la suite. Mais le Brésil, je pense, les Guarani, c'est pareil, c'est la première réduction, c'est en Amérique latine. C'est ça, fait que c'est intéressant, cette espèce premier de... Premier peuple autochtone qui a eu contact avec les Européens aussi, puis... C'est un peuple résistant qui, aujourd'hui, parle encore sa propre langue et tout. Puis, oui, puis c'est... Ouais, puis c'est... continue à lutter là, au quotidien. Exact. Fait que la Maison des Jésuites, c'est parfait pour boucler la boucle. pour réouvrir cette histoire dans une autre perspective, peut-être. Tu sais, je trouve que c'est pas anodin non plus, la Retomada de Terre dans ce centre-là. Tu sais. Puis je pense que c'est pas la première marque de ce genre-là, parce qu'il y a eu la BACA il y a 2 ans avec le projet... vous étiez à la Biennale d'art autochtone? Qui a eu lieu, justement, une exposition de Land Back dans cet espace-là. Oui. Alors, je trouve que c'est intéressant, que ça vient comme questionner, puis mettre en tension le récit dont on... qui est diffusé à partir de ce lieu, puis comment qu'on peut le revoir autrement aussi, je pense. Ben en tout cas, et puis expandre ma connaissance puis ma relation aux jésuites, c'est justement à travers les relations des jésuites, là, le récit de la colonisation ici en Amérique du Nord. J'avais pas conscience, en fait, qu'ils avaient été, bien sûr, là, partout en Amérique, puis probablement, justement, les porteurs de ces narrations-là qui ont fait tant tort, puis qui continuent d'opérer. Je disais dans le document que vous avez préparé autour de l'exposition que les propriétaires terriens, puis... les autorités utilisent des stratégies de campagne de haine pour déshumaniser les Guarani. Et là, c'est tout le contraire de ce qu'on voit dans les photos. Là. Des propos que vous nous partagez ce soir, c'est une leçon d'humanité de voir en fait ces gens-là se reconnecter puis reprendre ce lien-là avec la Terre. Ouais. Il y a un parti pris, hein, c'est de notre côté, c'est clair. Je veux dire, il y a un parti pris, une parti pris pour les Guarani, pour leur lutte, pour en étant réaliste aussi, je pense. Je veux dire, tu me demandais tout à l'heure si ça change des choses. Je pense que ce qui doit changer, c'est les conditions de vie, tu sais, puis la violence qu'ils subissent. Mais après ça, est-ce qu'on peut changer le monde? Les générations futures vont vivre dans le même système, là, probablement, là-bas. Tu sais, puis cet esprit Guarani, ce lien avec la terre et tout, ben, je pense que... comme partout dans le monde, là, ça s'étiole un petit peu. Puis, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de lutter pour essayer de faire renaître un petit peu ce lien-là. Puis ce qui change les choses, c'est peut-être l'intégrité de votre démarche, puis le fait qu'elle s'ancre dans des relations de longue durée. Ça change la donne, en fait, dans notre façon de percevoir le travail des photojournalistes, qu'on a l'impression que souvent c'est des fly-in, fly-out, qui prennent pas le temps de construire de longue durée, en tout cas, dans le milieu humanitaire, c'est beaucoup critiqué. Oui, clairement. Ben, c'est sûr de parler de ce dont on... ce qu'on connaît pas, tu sais. Puis, surtout quand on fait de l'international, là, arriver dans un pays dans lequel la vie est très loin de ce qu'on connaît ici, puis devoir produire cet article, cet reportage en 2 semaines... Je trouve que c'est un peu prétentieux. Puis je me demande à quel point ça peut être de qualité. Je pense que ça prend du temps, tu sais, faire un journaliste de qualité. Puis après, bon, le journaliste documentaire, art, tout est un peu mélangé. L'important ici, c'est de partager une histoire qu'on nous a confiée. Donc on invite tout le monde à aller voir l'expo. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Est-ce que vous nous invitez à poser d'autres gestes, à vous suivre, à vous accompagner? Comment on fait pour rester en contact avec ce travail-là puis ce champ, en fait, de connaissances que vous ouvrez pour nous? Ben, je le dis, c'est un projet en cours. Hein, fait, ben, c'est sûr que s'il y a des gens qui s'interpellent, venez voir l'expo, venez demain, parce qu'on sera là. Ça va être un beau moment, je pense, de rencontre. Puis à côté de cette rencontre, il y aura les photos. T'sais. Demain, c'est plus comme ça que je vois un vernissage. Mais après ça, on est dans le monde où il y a des réseaux sociaux. On est actifs là-dessus. Puis évidemment, on partage là, sur ce projet-là. Et on n'a pas fini, donc vous en entendrez parler, c'est certain. Oui, puis je pense que c'est justement, c'est un sujet qui ouvre beaucoup. Il y a des films aussi qui ont été faits absolument tellement puissants qu'il faut absolument voir, de Vincent Carelli au Brésil, qui s'appelle Martirius. Martirio, qui permet aussi de sensibiliser à ça, la Terra Vermelha. Il y a aussi d'autres productions qui touchent ce conflit, puis qui, je pense, qui permettent de sensibiliser beaucoup. Puis au-delà de la sensibilisation, est-ce que cette visibilité-là peut aider à faire... changer des points de vue, de critiquer justement ce rapport-là entre les pays. Ouais. Puis, tout au long de l'exposition, c'est 7 mois à peu près, là, il y aura des activités de médiation, il y aura plusieurs choses. Donc, je pense qu'en suivant le calendrier culturel de la ville de Québec, là, ce sera certainement annoncé en temps et lieu. Parfait. Exact. Merci beaucoup. On va se quitter sur une musique guarani que Véro nous a pistée. Et puis, on se laisse là-dessus. Je vous remercie sincèrement de votre présence puis de votre travail. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. Christelle Tremblay au micro en studio à CKRL 89.1. C'est le moment de l'agenda de la semaine et on vous présente plusieurs activités qui ont lieu cette semaine puisque c'est le nouveau calendrier post-biennale d'art. Donc tout le monde reprend plein d'activités, donc c'est occupé. On commence dès mercredi, donc dès demain. À midi, donc mercredi le 1er mai, à midi sur Zoom, Candice Dan, fondatrice d'Art Collision, un studio torontois spécialisé dans le développement web et dans la réalité virtuelle, offre une conférence virtuelle intitulée « Art sans frontières, le futur des galeries à l'ère du métavers et du web 3 » qui est accessible gratuitement mais sur inscription seulement et il faut s'inscrire à la MMAQ. Donc, l'événement est publicisé sur les réseaux sociaux Facebook de la Maison des métiers d'art. La conférence est offerte en collaboration avec la Fabrique culturelle. La conférence explorera l'impact révolutionnaire du Web 3 et du métavers sur les galeries d'art. Ces technologies permettent des expériences immersives, des environnements virtuels, facilitant l'accès à l'art sans contraintes géographiques. Candice Dan discutera de la présence d'œuvres d'art dans ces espaces virtuels, des œuvres physiques et numériques, et de l'utilisation émergente des crypto-monnaies pour faire des transactions monétaires, tout en envisageant des pratiques interactionnelles innovantes basées sur la blockchain. Elle interrogera l'avenir des expositions d'art, alors que les galeries numériques offrent de nouveaux moyens d'engagement, quel sera le rôle de la galerie traditionnelle? Candice est diplômée d'une maîtrise en histoire de l'art de l'Université de Montréal. Elle explore professionnellement le métavers et la réalité virtuelle depuis 2019. Sa vision futuriste de l'art vise à transformer le marché international de l'art via les technologies immersives. Candice Dan est également professeure associée au pôle d'études et de recherche en culture numérique de l'Université de l'Ontario français depuis 2022. On poursuit l'agenda avec une autre conférence qui est offerte jeudi le 2 mai à 17h, une conférence de Nouria Gouel, ORAB, le roulement à billes, un lieu de diffusion et d'expérimentation de la maîtrise en arts visuels. C'est situé au 336 rue Sainte-Hélène à Québec. Il s'agit d'une conférence que Julie Faubert organise. Donc, Julie a l'immense plaisir d'accueillir l'artiste Nouria Gouel à l'École d'art du 1er au 8 mai, dans le cadre d'un projet de recherche articulant autour des pratiques contextuelles et de la relation entre art et politique. Julie nous invite très chaleureusement à venir rencontrer Nouria Gouel et à discuter avec elle lors d'une conférence qui portera sur sa pratique contextuelle. Elle y présentera les projets artistiques les plus significatifs de son parcours. La pratique artistique de Nouria Gouel est une pratique de confrontation, de questionnement des évidences et des conventions morales. Elle ne conçoit pas la pratique artistique comme une pratique culturelle, tout au contraire, elle la conçoit comme une pratique sociale et politique nécessaire, par laquelle le culturel et l'ordre établi sont mis en jeu. Elle est née à Videres en 81, un village situé tout près de la ville de Gironde, en Espagne. Elle y vit toujours, c'est son campement de base. Elle ne vit pas dans une grande capitale, il s'agit d'une décision politique comme toutes les autres. Elle a obtenu sa licence aux Beaux-Arts de l'Université de Barcelone et a poursuivi ses études à la Cátedra de Arte de Conducta à La Havane, à Cuba. À partir de ce moment, elle a réalisé des expositions dans des centres d'art dans plusieurs pays du monde et a participé à de nombreuses biennales. Elle a aussi reçu quelques prix et collabore régulièrement avec des centres sociaux et éducatifs. Encore jeudi 2 mai, cette fois à Esnares, à Saint-Jean-Port-Joli, il nous invite chaleureusement à venir découvrir les pratiques de leurs nouveaux résidents de la cohorte du printemps 2024. Ce sera l'occasion d'entendre Charlotte Gomeschi de Montréal, Mai Bak-Nok Nguyen de Québec, Laurel Reny de Montréal, Maria Simons de Toronto et l'auteur Charmaine Lee de Berlin en Allemagne. Ils présenteront tous leurs intentions de recherche ainsi qu'un bref portrait de leur parcours. Donc, toute l'équipe de Esnares ainsi que la nouvelle cohorte de résidents-résidentes nous attend au 335 avenue de Gaspé Ouest à 17h pour profiter de ce rendez-vous privilégié. C'est gratuit et c'est ouvert à tous. On poursuit la semaine ce vendredi 3 mai. C'est Regards, cette fois, qui nous invite au vernissage de l'écho d'une empreinte, une exposition de Camille Lescarbot qui explore les potentiels utilitaires et esthétiques des déchets dans une pratique de la sculpture en papier fait à la main. Camille Lescarbot est une artiste artisane écoféministe basée à Montréal. Elle s'intéresse à la lenteur, à la matérialité, aux soins et à l'environnement. Sa pratique du papier fait à la main, développée à partir de ses déchets, l'amène au croisement de la sculpture et de la peinture. Les installations textiles et sculpturales qui en résultent explorent les potentiels utilitaires, esthétiques et poétiques des matières désuètes. Ensuite, vendredi 3 mai, chez Chiguer Art Contemporain, on vernit Supercherie, une nouvelle exposition de Dan Bro. Il s'agit de 5 à 7. Dans Supercherie, Dan Bro orchestre avec finesse une tromperie habile. Derrière des apparences naturalistes, les animaux représentés n'existent pas dans la réalité. Les traits caractéristiques de certaines espèces, telles que le saumon, le doré, la truite, la gélinotte huppée, le martin pêcheur ou la corneille, sont certes identifiables, mais ces créatures sont en réalité des chimères. Fruit d'un assemblage de divers spécimens, dans ce corpus où les animaux sont les véritables protagonistes, l'artiste leur confère un aspect surnaturel. Si l'être humain y est également présent, il est relégué au second plan, représenté à l'échelle réduite et esquissé sommairement, en des traits schématiques et nerveux dans un style évoquant la bande dessinée. Dans ce scénario utopique, la nature reprend enfin ses droits. Pour accentuer le caractère extraordinaire des créatures qu'il représente, Dan Bro s'inspire de l'esthétique de la science-fiction, notamment du genre des super-héros. On poursuit dimanche 5 mai à 13h30 à l'espace culturel du quartier de Saint-Nicolas. On vernit en présence des artistes Construction multicolore ou Ton trésor public s'est perdu en chemin d'Olivier Moisan Dufour et Sarah Leroux. L'exposition est présente du 4 mai au 8 septembre. Elle présente les œuvres d'Olivier et de Sarah unies pour une toute première fois. Dans un univers coloré et ludique, elle porte un autre regard sur les débris qui abritent notre quotidien et change soudainement de statut de valeur. Olivier travaille avec le bois et ses retailles, alors que Sarah explore le territoire et silicone et sillonne les rues pour aller chercher des débris qu'elle sélectionne pour leur couleur, leur forme ou leur texture. C'est ainsi que se termine cet épisode de l'Aérospatiale, l'hebdomadaire d'actualité artistique, produite et diffusée par Mathilde Harvey-Morin et moi, Christelle Tremblay, sur les ondes de CKRL 89.1. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur Spotify, Apple Podcast et Google Balado ou sur notre site Le WordPress. On remercie nos invités, Véronique Isabelle, Renaud Philippe et Carole Mira. Un grand merci à toi, Mathilde Harvey-Morin, pour ton travail à la console, à la mise en onde et puis à la mise en réseau sur les plateformes. On se dit à la semaine prochaine!